Laisse-toi aller, oui, viens bouger. Je vais t'envoûter. Laisse-toi aller, oui, viens bouger. Le vibe, je vais t'envoûter. Prie ma voix et commence à danser. Ce soir, je te donne envie de souffler. Laisse-toi aller, oui, viens bouger. Le vibe, je vais t'envoûter. Prie ma voix et commence à danser. Ce soir, je te donne envie de souffler. Le dance floor, tout le monde est envoûté. La chaleur monte, sens-tu ton corps vibrer? Colle-toi à moi, laisse-moi te diriger. Vas-y, suis-moi, c'est pas très compliqué. Seul temps sera pour toi et moi, bébé. Viens contre moi et ne pense plus qu'à zooker. Besoin de cette nuit, un conte de fées. Il nous marquera sans doute à jamais. Laisse-toi aller, vie, viens bouger. Sous la vibe, je vais t'envoûter. Prie ma voix et commence à danser. Je te donne envie de souffler. Laisse-toi aller, oui, viens bouger. Sous la vibe, je vais t'envoûter. Prie ma voix et commence à danser. Ce soir, je te donne envie de souffler. Ouais, lady, t'inquiète pas, je suis mouvement. Je me laisse envoûter par le son. Même si je contrôle pas la danse, pas besoin de son. Y'a juste à suivre le rythme, donc t'inquiète, je serai dedans. Ouais, dans la vibe, je me laisse plonger. Histoire, trouver mon pas de danse. Ça danse à deux, c'est moi, ton nom, tourne ensemble dans le même sens. On ralentit, mais pas trop long. Faut que ça reste tout de même de la danse. Malgré que la chaleur monte, ici, je suis déjà en transe. Jusqu'à la fin, restons collés, serrés. J'assure, je serai dans l'ambiance. Laisse-toi aller, oui, viens bouger. Sous la vibe, je vais t'envoûter. Prie ma voix et commence à danser. Ce soir, je te donne envie de souffler. Laisse-toi aller, oui, viens bouger. Sous la vibe, je vais t'envoûter. Prie ma voix et commence à danser. Ce soir, je te donne envie de souffler. Collé à toi, tous les deux dans l'ambiance. Tu te colles à moi et suis la cadence. Mes pas te font l'effet d'une redondance. Chaque seconde, c'est comme une simple romance. Quand tu danses avec moi, tout m'émerveille. Comme une nuit au pays des merveilles. Je ne voudrais jamais qu'on me réveille. Et que toutes les nuits, ça soit pareil. Laisse-toi aller, oui, viens bouger. Sous la vibe, je vais t'envoûter. Prie ma voix et commence à danser. Ce soir, je te donne envie de souffler. Laisse-toi aller, oui, viens bouger. Sous la vibe, je vais t'envoûter. Prie ma voix et commence à danser. Ce soir, je te donne envie de souffler. J'arrête à la moelle, pec et oublié. Moto, pareil pour moi, mon petit, jamais oublié. Dance contre tout ce que fait moins vibre. Mon check va trop fort, mon corps mouvementé qu'à danser. Maman, t'as la capa, mon frisson. Excité, mon peut pas danser une danse sans sentiment. Bah, moi, nous, c'est un obsession. Sans sensationnel et puis en low émotion. La danse est haute, c'est ce que m'inspire, donc on augmente la pression. Des hanches de bas en haut, fait des blocages de temps en temps. Les yeux fermés, tout le monde le sait qu'on sent monter la pression. Donc je décompresse, je me laisse aller, ça t'étera pas sans réaction. Mais ça normal, mais Mike Lane quand même un bête innovant. Tout le monde déjà en mouvement, nous calime tous ces mouvements, bête la trop bad. Alors faut tout bouger, tout bondade, et y'a tout vent. Même en sous-clove, l'original, les 10 S4, trop émouvant.